بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أمس أخذنا الفعل المضارع في التعريف الفعل المضارع مضارع على معنى في نفسي مقترن بزمن يحتمل الحل والاستقبال نعم يحتمل الحل أو الاستقبال والاستقبال طيب طيب مثال على الحل انا اذهب مفهوم c'est-à-dire quand tu dis انا اذهب ça peut être maintenant ou dans un petit moment طيب ان شاء الله et باذن الله demain ou après ou samedi on va commencer à rentrer dans les signes du مضارع طيب بارك الله فيك المضارع qu'on a vu hier c'est lequel يا مهدي Là. Hier, on a décomposé le mudara en trois. Al-Mazid. Proche. Là, mais. Al-Marfoua. Al-Mansou. Ou Al-Mazoum. Et celui qui nous concerne, c'est. Al-Marfoua. Ahsan. Alamat al-Raf du mudara. Damma. Ou Al-Noun. Taïb. Tout le monde se souvient de ça? Taïb. Comment on reconnaît le mudara, Bilal? On reconnaît parce qu'il accepte sin et sauf. Là, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on a vu hier déjà. On lit même comme ça sur Europe 1. Ouais. Il est précédé des lettres. Une des quatre lettres. Une des quatre lettres. Alif, okay. Qui sont Alif, Nun, Nia, Wata. Alif, Nun, Nia, Wata. Qui est quoi? Un rajout du verbe, des lettres de base du verbe. مثال هنا ذهب مفهوم كما سلام ما لو فيرب ذهب اون فالو ريجيتي كوا راجوتي اون دي كات لتر كي سرا كوا انيتو اون ديرا باغ اكزومبل اك الهمزه اذهب مع النون نذهب يذهب تذهب يرحمك الله مفهوم هذا سيدير الفعل المضارع سي سرا اون دي كات اون دو سي كات لتر كي فا سو راجوتي او فيرب دو باز مفهوم هذا Également, il y aura un deuxième changement, ce sera quoi, Kamel ? Il sera marfou'. Hada wal asr. Al-fi'l al-mudara' yakun marfou'. Mufhoum ? Imma damma, imma nun. Taïb, inshallah ? Salam. Et on avait vu, barakallahu fikoum, anna al-fi'l madhi lahu alamat. C'est-à-dire, on avait dit ta'tanith. أو تاء الفاعل المتحرك طيب والفعل المضارع سين سوف ولن ولم et ça on le verra inshallah ça veut dire on a dit quoi que si tu dis سأذهب أو سوف أذهب أو لن يذهب أو لم يذهب sache que devant toi c'est qu'un فعل au مضارع est-ce qu'on peut dire سأذهب يا وهبي ما يمكن c'est compris ça طيب tout le monde a compris ça Moi aussi j'en ai oublié. Comment ? J'ai dit, il y avait des descriptions. Il y a Issa, Araja. J'ai pas compris. Vous avez des descriptions, il fallait faire attention par rapport aux lettres qu'on devait rajouter devant. Avec Issa, Araja, Nasha. Ah, bien sûr. Barakallahu fik. Taïb. Comme on a dit, tiens, avec Abdelhamid, Taraka, fait le mardi ou Moudara. Parce que nous, on a dit, si on trouve une des quatre lettres, Al-Hamza, Wata, Wannoun, Waliya, en début d'un verbe, c'est-à-dire, ce sera un signe du mudara. Ça fait partie du verbe. Du verbe. C'est-à-dire, Taraka, le ta ici, fait partie du verbe. Me fond, Akala. La même chose. Taïb, Nashara. Et Yaïsa, la même chose. Je vous ai donné quatre verbes. Qui quoi ? Qui commence avec une de ces quatre lettres-là. Mais on n'a pas dit que c'est un fi'l mudara ni mada, parce que c'est une lettre de base du verbe. Mais faut mada, akala, si tu enlèves le hamza, qu'est-ce qu'on va dire ? Kala, il n'y a pas. Ou par exemple, taraka, tu vas dire quoi ? Raka, ma fi hada. À part si tu trouves un verbe. Donc, toi, tu verras quoi ? Visuellement, tu crois qu'il y a deux lettres. Comme quoi, par exemple ? Ranna. À la base, c'est ranana. C'est deux noun. Mais faut me faire attention à ça. Ou par exemple, hadja. C'est hajaja. Le fum, faut pas dire, faut pas croire que ça c'est un verbe à deux lettres. Ça n'existe pas des verbes à deux lettres. Le fum, dans la langue arabe, barakallahu fikoum, le ism mu'rab laboud bi talatha ahrouf. C'est compris ça, inshallah? Je pense qu'il avait que ça. Hein? Tout le monde a compris le fait de mudara? Hein? Ça y est. Si je dis, si tu nous informes qu'une sœur elle est partie au mudara, tu diras quoi? Telhabi, hein? Non. Tu l'as pris le tableau? Ouais, faut l'apprendre, les frères. Hein, c'était ça. Celui qui a pris le tableau hier, on va faire 2-3 leçons et c'est que de la lecture. Un exemple, comment tu diras? Aminatou Telhabou. Taïb, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça, il y a Abdelmajid? Quoi? Si je parle à un frère qui est présent. Tu lui diras quoi? Écoute, Anta Telhabou. Le fond, on avait dit ça, faites attention. Quand tu parles à un frère, tu dis Anta Tadhabu, il est face à toi. Et si tu informes sur le départ d'une sœur, tu diras quoi? Hiya Tadhabu. Le fond, c'est-à-dire que tu n'as pas normalement à confondre. T'as, et si c'est un frère qui est parti, certains t'informes sur un frère qui est parti? Hua Yadhabu. T'as, et si c'est une sœur, tu parles à elle? Comment? Non, tu parles à elle. Ouais. Anti. Anti Tadhabina. Ahsant. Tout le monde a compris, Inch'Allah. Taïb, bismillah. Alors, c'est que de la lecture. Ta'ammel al-antila. Al-atiya. Al-madhi. Dahaba aliyun ila al-madrasati ams. Taïb. Mata hadatha hadha al-fi'l, ya Bilal? Ma'na fil-madhi. Taïb. Là, on est en train de dire, Mahdi. On a fini le texte hier. Après, là, tu rentres dans l'exercice. Ta'amel al-amthilat, il y a grand 3, exercice grand 3. Taïb, très bien. Dahaba aliyun ila al-madrasati am. Si on applique la règle du madhi, on avait dit quoi? Madalla ala ma'na fi nafsi muqtan bizaman al-madhi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand j'ai parlé, cette action-là, elle s'est déroulée quand? Au passé. Hada wal asl. Et après, plus tard, vous verrez quoi? Barakallahu fikoum. Même le madhi, il peut avoir un moment de hal. Et ça, vous le verrez. Me foum? Mais sinon, al-madhi, c'est ça. C'est que c'est passé. C'est une chose qui était au passé. T'as mais si je dis par exemple, Abdelkarim, bi'atuka had al-kitab. Bi'atuka. C'est quoi ça? C'est du madhi. Bi'atuka. Tu vois? Est-ce que j'ai vendu ça fait le madhi ou je viens de lui vendre? Non. Hein? Tu m'as non, maintenant. Bi'atuka. Là, je suis devant toi, j'ai un livre. Je t'ai dit bi'atuka had al-kitab. Je ne l'ai pas vendu avant. C'est... Quand tu rentres dans le maktaba, là. Il dit Bertuka le kitab. Il te l'a déjà vendu ou il te le vend là? Hein? Ah d'accord. Pourtant c'est au mardi. T'as vu, Inch'Allah? C'est-à-dire ça, ça peut arriver. T'as vu? Certaines choses, sinon le mardi, c'est le passé. Mais par exemple, ce verbe-là, dans les achats, quand il dit Bertuka, hada, ça veut dire que c'est du mardi, mais ça vient de s'arriver. T'as vu, Inch'Allah? Comment? C'est-à-dire? Et non, ça peut arriver, ça aussi. Non, rahimakallah. Taïb, c'est-à-dire qu'Allah il te prenne sous sa miséricorde, maintenant et après. Taïb, Inch'Allah. Qara'a Ismailu al-Qur'an. Ghassala al-Rajul siyaratahu. Taïb, Inch'Allah. Hada, hadi l'amthila kulluha fi al-madhi. Al-Mudhari' yadhabu aliyun ila al-madrasati kulla yom. Taïb. يقرأ إسماعيل القرآن بعد الصلاة الفجر كل يوم يغسل الرجل سيارته كل أسبوع إن شاء الله سي كومبري سا tout le monde a compris hein? C'est les mêmes phrases mais au فعل مضارع تأمل الأمثلة واكتب المضارع الأفعال الآتية hein? Te dit regarde attentivement les exemples puis écris le مضارع des verbes suivants طيب. Là, on a quoi? Kataba yaktubu. Regardez bien. Là, on tuerait quoi? Barakallahu fikoum. Le damma. Au mudara, l'avant-dernière lettre. Hein? Kataba yaktubu. Après, à côté, jalasa yajlisu. La harakat de l'avant-dernière lettre. Ce sera quoi? La kasra. Après, on a dhahaba yadhabu. L'avant-dernière lettre, c'est quoi? Une fatha. Ça veut dire quoi ça? Barakallahu fikoum. Le mudhara, le verbe au madhi, il a toujours la même le plus souvent. Dhahaba, kataba, qara'a, jalasa. Mais faux. Mais le mudhara, il ne sera pas pareil. Vous comprenez ça? Regardez bien là. Kataba et jalasa, c'est la même forme? Naam. Regardez. Kataba, jalasa et dhahaba. Au madhi, ils ont quoi? La même forme. C'est vrai, donc fa'ala. Mais au mudhara, ils se sont quoi? Différenciés. Kataba, on a dit quoi? Yaktubu. Jalasa, on a dit quoi? Yajlisu. Et le dernier, dhahaba, on a dit quoi? Yadhabu. Ça veut dire quoi? Barakallahu fikoum. Ça, c'est du par cœur. Celui qui apprend pas ça, il va mélanger. Et les frères, sachez que ce dars-là, il a une relation avec l'impératif qu'on va l'étudier. C'est-à-dire, dès maintenant, celui qui n'a pas bien compris le mudhara, il va s'embêter dans l'amr. Parce que l'impératif, c'est plus facile que le mudhara. Je vous donne juste un exemple. Celui qui a bien compris comment former le mudhara, automatiquement, il sera formé l'amr très facilement. Par exemple, je dis jalasa, al-mudhara, on dit yajlisu. Il suffira juste de quoi? D'enlever l'ya. Vous me suivez là? Hein? Et il faudra dire quoi? Ijlis. Vous comprenez ça? Mais celui qui ne sait pas faire le mudhara, par exemple, jalasa, il dit ah, yajlosu. Oh, yajlisu. Est-ce qu'il peut former l'amr? Là. Parce que pour former l'impératif, tu es obligé de passer par quoi? Al-mudhara. Mais faut, moi quand je vous dis tu es obligé de passer, pourquoi? En tant que débutant. Mais sinon, quelqu'un qui sait parler, alhamdoulilah, il va commencer à faire directement l'impératif. Mais en tant que débutant, celui qui voudra former al-amr, il faudra qu'il sache bien former quoi d'abord? Al-mudhara. C'est pour ça que ça, apprenez-le par cœur. Jalasa yajlisu. Négligez pas ça, parce qu'après dans l'amr, vous allez nous retarder. Alors dès maintenant, apprenez ces verbes-là par cœur. Et ça va vous aider beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire, si je dis par exemple Abdelhamid, kataba, c'est quoi le mudara? Yaktubu. Et si tu veux dire l'amr, t'enlèves juste le ya, tu mettras une sukuna à la fin, tu diras quoi? Oktub. Vous avez, ce sera très simple. Après, il y aura des choses qui vont se compliquer vers la fin du 2. Ce sera quoi? Une supprimation de lettres. Mais ça, ce sera dans les verbes défectueux. Mais sinon, le verbe qui est très facile à conjuguer, comme cela. Jalasa, yajlisu, ijlis. Kataba, yaktubu, oktub. Mais si tu ne sais pas faire le mudhara, l'amr, il va se compliquer. C'est compris ça, Kamel? Vous avez compris pourquoi c'est important maintenant d'apprendre le mudhara? Déjà d'une, c'est différent du madhi. C'est pas tous les verbes qui avaient la même forme au madhi qui ont la même forme au mudhara. Ça, vous l'avez vu. C'est-à-dire, on a trois harakat. Au mudhara, on retrouve la dhamma, on retrouve la kasra et on retrouve quoi? La fatha. Kataba, on a dit quoi? Yaktubu. Jalasa, on a dit yajlisu. Et dhahaba, yadhabu. Me faut madame, inshallah? Taïb. Bismillah. Dakhala, indek. Yadkhulu. Naam. Et on traduit, hein. Chacun il traduit son verbe. Alaykoum salam. C'est-à-dire rentrer. Vous faites la même colonne, hein, pour l'instant. Bismillah, suivant. Kharaja, yakhruju. Sortir. Très bien. Kharaja, yakhruju. C'est que de la lecture, hein. Sajada, yasjudu. Sajada, yasjudu. C'est bien, ouais. Ça veut dire quoi? Se prosterner. Suivant. Rassala. Non. C'est Rassala après? Bon, je l'ai pas, moi. Vas-y. Yakulu, manger. Au suivant. Non, Qatala Yartulu, tuer. Au suivant. Traduisez, frère, je veux dire toujours. S'asseoir. Non, s'asseoir. Revenir, très bien. Descendre. Là, il reste encore une colonne, je crois, les frères. Regarde. Là, regarde bien. Tu vois? Il en reste un. Kassara yaksiru. Ouais. T'as compris? C'est pour ça, regardez bien la colonne. Ah, c'est rien. Aujourd'hui, c'est la première fois, mais apprenez par cœur. Et vous allez voir ce que je vous ai dit. Celui qui aura bien appris ça, bidnillah, il n'a même pas besoin de m'attendre s'il veut. Il prend la passe du fi'l amr, il va le faire tout seul. Vous allez voir. C'est-à-dire, celui qui a bien appris ça aujourd'hui, s'il veut, peut commencer lui-même à faire l'impératif tout seul. il supprime la, la lettre du mudara et il met une sukun à la fin. Le foum, et je laisse octobre et dab. Tfaddal. Daraba, yadribou, naam, très bien. Frappé. Raka'a, yarka'u. Raka'a, yarka'u, rafa'a, yarfa'u, naam. Fa'ala, yafa'alu. Content, ça? Content? C'est sûr que tu connais Fa'ala. T'as dû oublier faire. Ah ouais. Et comment tu es content? Surur, sala, masrur. C'est le verbe sarra. C'est le verbe sarra. Fariha. Ah voilà, c'est. Barakallahu fik. Le suivant. Sa'ala yas'ilu. Comment? Sa'ala yas'ilu. Sa'ala. Sahala. Ah, si j'entendais mal. Sahala. Sahala, c'est autre chose. Comment on a Sahala? Questionnaire. Non. Qui sait, ça veut dire quoi, Sahala? Facilité. Facilité. Ah, la différence entre, regardez bien, l'ha et l'a. T'as compris, Abdullah? Quand tu dis Sahala, Sahala. Voilà, et là, tu dois dire Sahala. Sahala. T'as compris? Tu dis Hakala ou Akala? Akala. Voilà, barakallahu fik. C'est-à-dire manger, hein? Au suivant. Fataha yaftahou, ouvrir. Non. Samira yasma'ou. Attends. Samira yasma'ou, non. J'arrive pas à capter la colonne. Wallah, Mehdi. Il y a derrière, je comprends pas. Bah, tu ne l'as pas s'il y a derrière. Tu veux quoi? Tu veux le voir à travers le truc? Tu prends la première. Là, c'est la deuxième. Tu prends la deuxième. Ah, avec ça. Mehdi, à m'aider. Tu sais qu'il y a derrière, mais tu le laisses. Ouais, mais je savais pas, je crois que c'était à nous après ça. Hein? Après, t'as pas remarqué que les frères, quand ils disent, il n'y a pas ces verbes là dans toi? Je voyais pas les verbes qu'ils disaient. Ben voilà, bah tourne. Mashallah, Mehdi. On l'a aidé, quand même. C'est-à-dire? Ouais, c'est bien. Barakallahu fik, Mehdi. Jouer, très bien. L'aïba, il y a l'aïbou, jouer. Apprends, naam. Shariba, yashrabu. Naam. Boire. Naam. Rakiba yarkabu, monter. Très bien. Ahsant. Taïb, inshallah, c'est compris, inshallah. Akmil al-jumal al-atiya bi wad fi'l mudara' munasib fi'l farah. Il te demande là de quoi? De compléter les phrases suivantes en mettant un verbe au mudara' qui lui convient. Ah, là, il ne nous a pas donné un verbe spécialement. Là, on a quoi? Abi, il assure kulla sabah. On dira quoi? Abi, il yadhabu, il assure kulla sabah. Naam, yadhabu, abi, il assure kulla sabah. Très bien, au suivant. Mata. Très bien, mashallah. Naam, mata yarji'u, abuka min al masna'i. On pouvait dire mata yadhabu, abuka min al masna'i? Est-ce qu'on pouvait dire mata yadhabu, abuk min al masna'i? Plus, là, par rapport au siyak de la phrase, c'était comme il a dit le frère Mohamed, c'est mieux. Mata yarji'u. Car on part de la maison à l'entreprise. Et non pas on part de la maison. Me font également. Khuruj. Mais également, on peut sortir de la. À toi, Mohamed. À Kamel. Yashrabu. Yashrabu. Yashrabu Ahmedu al-Qahwata. Wa Yashrabu. Yusuf al-Shaya. Naam. Très bien. Akhi yaqra al-suhufa. Très bien. Akhi yaqra al-suhufa, les journaux. Wa yasma'u al-akhbar, c'est-à-dire il écoute les informations, des informations. Min al-ida'a kulla sabah. Très bien. Très bien, mashallah. نعم يغسل هشام وجهه بالصابون. يخرج المدير من المدرسة في الساعة الثانية. خير. يخرج المدير من المدرسة في الساعة الثانية. طيب. فرانسيسا. اقرأ ما يلي. سكوت لا ليكسيون. بسم الله. واحد وعشرون طالبا. طالبا. اثنان وعشرون طالبا. ثلاثة وعشرون طالبا. أربعة وعشرون طالبا. خمسة وعشرون طالبا. وعشرون نعم. ثمانية وعشرون طالبا. تسعة وعشرون طالبا. ثلاثون. Qui se souvient de la règle ici? Non. Non, taïb, mais par rapport à la chose qu'on tenait, on a dit quoi? De 11 à 99, ce sera Mufrad Mansoub. Taïb. Et l'unité sera l'inverse de la chose comptée. Taïb, et là c'est par dizaine. Taïb. Ashra, Ashurun, Thalathun, Inlachir. اقرا ما يلي ثم اكتبه مع كتابه الارقام الوارده في بالحروف طيب demande lis qui suit ثم اكتبه مع كتابه الارقام puis écris quoi tu dis l'exercice là il est à l'écrit طيب avec les chiffres mentionnés في بالحروف في الشهر 29 او 3 on a 30 يوما on dira Kamel في الشهر في شهري يعني في شهري 29 تسعة وعشرون. لو بيبقى الفرق يا هو يا هو. répète doucement Kamel et prononce bien. طيب تسعة وعشرون. وعشرون. أو ثلاثة. لا وثلاثون. وثلاثون. يوما. نعم. Au suivant. Khamsatun wa ishruna rakiban. C'est-à-dire quoi rakiban? Passager, passager. C'est pas l'endroit passager. Passager, c'est celui. Rakib, c'est celui qui fait l'action. Taïb, barakallahu fik. Au suivant. Là, à Lyon. Parce que ici, c'est lui qui est, c'est le jour qui est venu. Allah ybarik fik. Très bien. J'ai à Lyon. 22 taliban jadidan. C'est bon. Non. C'est-à-dire sa longueur. 28 mètres. وعرضه sa largeur. 4 non. Si vas-y. 24 mètres. Ah, الطول c'est la longueur, العرض c'est la largeur. كم كيلومترا المسافة بين المدينة نعم المسافة c'est la distance c'est-à-dire il dit combien de kilomètres c'est-à-dire de kilomètres المسافة la distance بين المدينة والمطار entre le Medina et l'aéroport المسافة بينهما 23 كيلومتر très bien هذا الدفتر طوله 27 سنتيمترا très bien تأمل ما يلي Moubakiran et l'inverse, c'est-à-dire la croix, Moutakhir. Moubakir, c'est de bon matin, à l'avance. Oui. Et Moutakhiran, en retard. Ah bon, si tu veux l'utiliser. Dahabtu ila al-madrasati al-yawm Moubakiran. Ça veut dire quoi? Okay. C'est-à-dire, il est parti, il dit, je suis parti à l'école aujourd'hui, en avance. Le fond. Et ça, vous le verrez plus tard. Les Arabes, tu dis hal ici. Warajatu ila al-bayt mutaakhiran. C'est-à-dire, je suis retourné à la maison comment? En retard. Taïb. Dahabat Layla ila al-jami'ati mutaakhiratan. Dahabat tabibatu al-yawm ila mustashfa mubakkiratan. Taïb. Kouwan jumla al-musta'min al-kalimat al-atiya. daimen, c'est-à-dire toujours, ahyanan, quelquefois, mutaakhiran, en retard, marratan ukhra, une autre fois. Taïb. Ça, vous le mettez dans des phrases, inshallah, taïb. Comment? Al-kalimatu al-jadidatu, daimen, souvent, les nouveaux mots, hein. Maktaboun, bureau. Taïb. Après, selon al-mudafile, il peut changer. Sinon, à la base, bureau. Taïb. Par exemple, la poste. Qui se souvient comment on dit la poste? Maktabou al-bari. Al-bari, très bien. Taïb. Tfaddal. Et toujours, ça veut dire quoi? Toujours. Toujours, souvent. Quelquefois. Quelquefois. Ah, souvent, ça veut dire. Même en français. Hein. Ah, toujours, par exemple, tu as quelqu'un, toujours, par exemple, tu mens. Souvent, tu mens. C'est un synonyme, non? Souvent. C'est-à-dire, souvent, c'est quoi? Souvent, c'est pas tout le temps. Ça veut dire toujours, ça veut dire tout le temps comme ça. Alors, daimen, c'est, on peut dire toujours, alors. Hein? T'as dit daimen toujours? C'est rien, les frères. Non, quelqu'un a un dictionnaire? C'est toujours. Comment? Permanent, ça veut dire quoi? Toujours. Voilà, tout ça, c'est des synonymes, les frères. Il faut? Allah ybarik fikoum. Sinon, toujours. Le frère, il me dit permanent. Également, ça se dit. Moi, je vous donne des mots pour que même le frère, là, il comprend. Si je dis permanent, il va trouver un autre dictionnaire pour savoir ça veut dire quoi, permanent. Tu vois? On essaie de donner des termes souples. Mais sinon, comme il vient de dire le frère, Zallahu khair, permanent, ça veut dire également toujours. Tu vois? Moi, j'avais dit quoi, alors? Souvent. L'exercice 9, t'as dit toujours, t'as dit souvent. Taïb. Daimon, alors on va mettre, comme le frère, Zallahu khair, il dit que toujours, c'est plus fort que souvent. Taïb, on dira alors, toujours, daimon. Maktaboun. Bureau, ardoun, large. Centimètre, jam, centimètre. Le centimètre. Fa'ala, faire. Sajada, se prosterner. Ahyanun, quelquefois. Amiloun, jam, ummal, ouvrier. Masafatun, c'est la distance. Mitrun, le mètre. Jam, amtar. Rakiba, c'est monter. Taïb. Ici, monter, c'est le sens de monter sur une monture. Attention. On n'a pas monté, par exemple, tu dis Rakib Tul Jidar, là, un tabéo. Hein? Tu dis pas j'ai monté le mur. Vous avez compris là? Rakiba, on a le sens de monter sur une monture. Rakib Tul Hafila, Rakib Tul Hisan, c'est-à-dire le cheval, il a akhir. Jidar, c'est mur? Eh, Jidar, non, c'est mur. Taïb, Marratan Ukhra, une autre fois, Toulun, la longueur, kilomètre, c'est le kilomètre, Amila, faire également. T'as raka'a, c'est comment? S'incliner. S'incliner, il lui donne un autre nom, mais il est un peu difficile. L'urd, c'est la largeur. T'as il a voilà. Comme ça, demain, on fait la leçon. Lisez le texte. Hein.